Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a adressé ses cartes et messages de félicitations à l'occasion de la nouvelle année 106 du Juche 2017 aux chefs de parti et d'État de divers pays. Ce sont notamment le président russe, le président chinois, le président laotien et secrétaire général du comité central du Parti révolutionnaire populaire Lao, le président mongol, le président et le premier ministre bangladais, le président syrien, l'émir koweïtien, le président pakistanais, le président palestinien, le président turkmène, le président arménien, le président azéri, le président iranien, le président vietnamien, le roi monégasque, les gouverneurs sans-marinais, le président guinéen, le président sud-africain, le président rwandais, le président malien, le président soudanais, le président zambien, le président équato-guinéen, le président congolais, le président du Congo démocratique, le président tunisien, le président algérien, le président angolais, le président égyptien, le président guyanais et le premier ministre thaïlandais. Kim Jong-un a également adressé ses cartes de nouvel an au secrétaire général du Conseil international du prix Kim Il-sung et du Conseil international du prix Kim Jong-il, au co-administrateur général du Conseil du fonds Kim Il-sung Kim Jong-il, à l'administrateur général et au secrétaire général de l'Institut international des idées du Juche, au gouverneur du territoire maritime et du territoire de Khabarovsk et au maire de Khabarovsk de la Fédération de Russie.